the oldies vote for death. Strap down, watch them, and strive fast. Why not? You want to kill people, ain't got a lot. No switch feet, we should take the ass and fuck them. Why not? You want to kill people, ain't got a lot. Et tout de suite sur Radio Dio, c'est Qui ou quoi. Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure à peu près, pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. C'est la septième émission de la saison de Qui ou quoi 2021-2022. Première saison où j'arrive enfin à parler de livres pour enfants de manière un peu régulière. Ça, c'est cool. Donc, je m'envoie un peu des fleurs au passage. Le créneau n'est pas toujours adapté. Hein, il est quand même 21h30 passé. À chaque fois, je suis un petit peu en retard. Là, ça va ce soir. Je sais toujours pas comment faire pour parler de livres pour enfants. Hein. Je vous renvoie à la dernière émission où j'ai parlé de livres pour enfants à 7h, où j'avais fait part aux auditeurs de mon questionnement. Mais bon, c'est pas grave, on y va quand même. Donc ce soir, et là je rajoute à l'ancienne, je vais vous parler de 3 livres pour enfants. Et je dis à l'ancienne parce que, en fait, avant la première saison, j'arrivais à parler de 3 livres par émission, et puis en fait, après, j'en ai fait plus que 2. Donc là, je vais vous en parler de 3, donc c'est à l'ancienne. Donc 3 livres, un bien, un super bien, et puis un super. Voilà. Donc un gros champ lexical niveau analyse ce soir, mais bon, l'essentiel, c'est le partage. Je vais vous parler donc d'une histoire de géant, d'une histoire de soupe et d'une histoire de loup. Le géant chagrin, Alinali et la lune et le dernier roi des loups, c'est maintenant dans Qui ou quoi. Alors, commençons par le géant. Donc, le géant chagrin de Carole Martinez et David Sala. Ça raconte quoi, ce géant chagrin ? C'est l'histoire de deux enfants, Luce et Lucas, des frères et sœurs, qui vivent dans une maison avec leurs parents, dans l'allée du bonheur, c'est le nom de la rue, dans une maison bien alignée avec toutes les autres, un peu tristouille quand même. Donc d'aucuns compareraient ça à un lotissement impersonnel, franchement tristouille, je me répète, mais je veux pas dire de gros mots. Leur vie, elle est bien rangée, comme la maison, avec une maman jardinière qui coupe tout bien droit et un papa qui vit des habits à la mode, bien rangés. Une mode qui est grise en ce moment et qui va sûrement passer au bleu-gris à la prochaine, vu que la mode change de saison en saison. Et tout ce bon monde vit à l'orée du bois dans lequel vivent des géants. Et bien justement, ces géants. Ces géants, le géant qui habite dans le bois derrière chez eux, eh ben il oublie de fêter l'anniversaire de sa chérie. Donc il se fait engueuler sévère et il se fait même virer du bois. Et il est tellement triste de s'être fait virer par sa chérie qu'il ne fait plus attention à là où il marche et il écrase la maison grise de Luce et Lucas qui vont en profiter pour se réinventer une vie en couleur et complètement libre. Bon, je m'arrête là pour l'histoire, parce qu'en fait, je pourrais tout raconter, mais j'ai déjà expliqué que j'aime pas trop spoiler, et là, pour le coup, même si c'est un livre court, eh ben, y a quand même moyen de découvrir encore plein de choses, l'histoire va vous emmener pas forcément là où vous pensez, et donc je vais m'arrêter là dans l'histoire, mais je la trouve vraiment très très bien jusqu'à la fin, parce qu'il se passe encore plein de choses. Un rapide topo sur les auteurs de ce livre, Le Géant Chagrin. Donc Carole Martinez, c'est celle qui a fait le texte, c'est la scénariste. Elle est connue surtout pour être en fait écrivain pour adultes, elle a fait pas mal de romans. Mais bon, ben, apparemment, à un moment, elle s'est lancée dans les livres pour enfants, et celui-là, de livres, bon, elle a fait aussi des BD, mais celui-là, ce livre, Le Géant Chagrin, c'est son deuxième album jeunesse. David Sala, l'illustrateur, lui, alors personnellement je le connaissais, mais juste de, même pas de nom, de, je savais un truc qu'il a fait, mais j'ai découvert que c'était lui qui l'avait fait en préparant l'émission. C'était une bande dessinée, c'est lui le dessinateur d'un truc qui s'appelle Nicolas Emmerich Inquisiteur, mais que je n'ai jamais lu. Peut-être qu'il y a des gens comme moi que ça peut aider à situer un petit peu quand même cet auteur. Donc il est vraiment illustrateur tous azimuts, il fait des couvertures de livres à foison, il fait des BD, des albums jeunesse, etc. J'ai aussi appris en préparant l'émission qu'il avait fait l'école Émile Cole à Lyon. Et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais comme moi je suis pas vraiment du sérail, et ben bon allez, je tente le coup. J'ai l'impression que si on veut faire de l'illustration jeunesse, et ben ça aide quand même pas mal de faire Émile Cole, parce que c'est pas le premier illustrateur que je vois qui est sorti de là-bas. Voilà. Bon, ça c'était le point orientation pour les jeunes qui veulent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'était le point orientation de l'émission. Un petit mot quand même, c'est paru chez Casterman, la maison d'édition de Tintin, etc., etc. Rien à dire de particulier là-dessus. Donc Le Géant Chagrin, c'est un super livre, un superbe livre même. Mais alors vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup super. C'est pas très français, mais bon, c'est vraiment ce que je pense. Alors pourquoi c'est bien ? Bah déjà d'une, il y a l'histoire. Elle est simple, elle coule de source, mais en fait, elle a plein de niveaux de lecture. Et le tout, enfin tous ces niveaux de lecture sont tricotés d'une main de maître. Alors, non pas que ce soit une belle langue, hein, quand je dis que c'est tricoté d'une main de maître ou un truc comme ça, c'est juste que c'est très bien fait parce que ça coule de source. Un enfant de 4 ans va se laisser porter par l'histoire, et les plus grands, eux, de tous âges, ils pourront y voir qui un hymne à la nature, qui une critique de la société de consommation, etc., etc. Tout ça dans une même histoire, sans que le trait soit forcé, bien au contraire. Voilà, bien sûr, hein, y en a plein d'autres, hein, des thématiques, c'est hyper riche, et à chaque fois, ça tape juste. Et puis le livre, il est trop beau. Les illustrations sont trop belles, c'est très trop. Hein. Moi, je connaissais pas le travail de David Sala, je l'ai découvert dans ce livre, mais alors vraiment, mais quelle carte de visite, quoi. Alors, je sais absolument pas si les techniques qu'il a utilisées pour illustrer tout ça, je sais pas si c'est peint, mais en tout cas, ça a un rendu un peu peinture. Ça y ressemble furieusement à de la peinture, et chaque page est une composition réussie. Je veux dire, tout est lisible et illustre à la perfection le propos. Les couleurs, le choix des couleurs parle énormément, et à ce niveau, on sent clairement une influence forte de l'artiste Klimt. On y retrouve des aplats de couleurs, un peu comme dans ses peintures les plus connues. On retrouve des motifs aussi, une forme de douceur. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est demandé comment Klimt aurait illustré un livre pour enfants. C'est entre l'hommage à Klimt et puis la maîtrise de ce qui fait l'essence de Klimt. Bon, le tout dans un écrin de livre jeunesse tout doux. Et puis, un petit cerise sur le gâteau, le livre il est grand, il fait genre 36 cm. Et là aussi, en fait, ça illustre le propos, parce qu'un géant, ça tient pas dans un livre de poche. Voilà, donc c'est beau, hein, c'est poétique, vraiment, moi, j'adore. Ça donne envie de le lire, de le relire et de le faire connaître. Bref, voilà, Le Géant Chagrin. Le Géant Chagrin de Carole Martinez et David Sala, eh ben, c'est vachement bien. Thank you. C'était le morceau Haunted de Rob, qui est un morceau disponible sur la tirée de la BO du film du remake du film Maniac. On est de retour sur Radio Audio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de livres sur le 895. Et ce soir, on vous parle de livres pour enfants. Le second livre, donc, enfin de livres pour enfants, de livres jeunesse, quoi, c'est comme ça qu'ils sont estampillés. Le second livre dont je parle ce soir, ça s'appelle Alinali et la Lune. C'est un livre islandais qui date de 1959, donc un petit peu vieux, et dont le nom des auteurs est un plaisir à dire pour quelqu'un qui, comme moi, ne maîtrise absolument pas l'islandais. Vilborg Dagbjartsdottir pour le texte et Sigridur Björnsdottir pour les illustrations. Et comme le géant chagrin, celui-ci, il est vraiment trop bien. Bon, donc croyez-moi sur parole, il est trop bien, Aline et la Lune, ça c'est sûr, mais ça raconte quoi ? Eh ben, c'est une espèce de conte qui va nous raconter pourquoi la Lune grossit. Alors, moi vraiment, je suis tombé amoureux de l'histoire et je vais me permettre un petit spoil parce que bon, le livre n'est pas très long, ça doit faire même pas 10 pages. Et bon, c'est pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on n'aura pas forcément envie de le lire, bien au contraire. Donc Alinali, c'est le personnage principal, il ne veut pas manger sa soupe. Alors sa mère, pour le punir, elle donne la soupe à la Lune, qui ne se fait pas prier, au contraire, qui mange la soupe et qui grossit. Donc tous les jours, c'est la même histoire, tous les jours, la soupe, elle va direct à la Lune parce qu'Alinali ne veut pas manger sa soupe. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça l'énerve Alinali, parce qu'il voit que la Lune, elle a quand même bien bien grossi, elle est toute ronde. Et donc, plutôt que de laisser la Lune manger, eh ben, il va prendre sa soupe et il va se mettre à la manger. Et puis, ben, tous les soirs, il va manger de la soupe, lui et pas la Lune, eh ben, elle va se mettre à maigrir. Et donc, aujourd'hui, la conclusion, c'est que si la Lune grossit et qu'elle maigrit, c'est parce qu'il y a forcément un enfant dans le monde qui ne mange pas sa soupe. Alors moi j'adore, hein. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore, sûrement parce que je suis pas un gros mangeur de soupe et que en fait au final ça me parle vachement. Sûrement un truc pas réglé avec l'enfance. Enfin bon, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur les auteurs de ce livre. C'est beaucoup écrit dans le livre pour le coup, si vraiment ça vous intéresse. Je vais essayer de vous parler un peu de tout ce qui est un peu autour, puis de ne pas faire trop long non plus, hein, j'ai pas toute la nuit. Donc c'est un one shot. C'est un livre qui a été donc créé il y a super longtemps, en 1959, mais qui est édité en France vraiment que récemment, genre l'année dernière. Mais surtout parce qu'il y a un côté ovni à ce livre, et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'il est vendu. Parce que c'est avant tout un livre d'artiste, les auteurs, je ne risquerai pas à le redire, je suis vraiment désolé, je ne maîtrise vraiment pas bien l'islandais, et c'est un peu difficile, j'ai vraiment trop l'impression de le dire n'importe comment. Les auteurs l'avaient créé à compte d'auteur, justement, ce livre, il l'avait édité à très peu d'exemplaires, au moment de la création, mais la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, avait réussi à en récupérer un exemplaire dans son fonds de livres d'artistes, un truc complètement improbable. Et pourquoi improbable ? Parce que c'est un livre qui est vraiment limite expérimental pour 1959 et qui est extrêmement moderne dans sa forme. Et à l'époque, il n'avait pas trouvé son public, hein. C'est normal, très expérimental, très peu édité. Et donc, voilà ce que ça donne. Bon, l'histoire, hein, je vous l'ai racontée, moi je la trouve vraiment super, mais il y a aussi, au niveau illustration, c'est que l'originalité s'exprime. En fait, ce sont juste des formes. Mais quand je dis des formes, c'est vraiment juste des formes. Il n'y a rien de figuratif, quoi. Un rond, un rectangle, un triangle et de la couleur. Bleu, jaune, rouge, point barre. C'est extrêmement abstrait. Et franchement, c'est très très bien, parce que à part la Lune, qu'on comprend parce qu'il y a un rond jaune, quoi, je pense qu'on voit tous des choses différentes dans chaque planche. Alors, si moi j'en ai décidé d'en parler, c'est pour ces deux choses-là, hein, j'adore l'histoire, je me répète, et puis j'aime ce côté expérimental. Le livre, il est, pour vous donner une idée, c'est en termes d'objets. Il est assez grand, donc il est très très court, ce que je vous ai dit, hein, ça dure vraiment très très peu, mais moi ça me va personnellement, surtout pour ce genre d'histoire. Ce serait plus long justement, je pense que le côté expérimental aurait pris le dessus sur l'histoire et ça l'aurait absolument pas fait. Donc au final, il y a un vrai équilibre entre l'histoire, l'illustration et le rythme, et c'est quand même tout ça qui donne toute sa force à ce livre. Bref, voilà, Alinali et la Lune de Vilborg Dagbjartsdottir et Sigridur Bjørnsdottir, et ben en fait, c'est vachement bien. Thème de Cléopatra Jones par, j'arrive jamais à retenir le nom, par Joe Simon. Cléopatra Jones qui est un film de Blaxploitation. Donc ce soir on reste dans le thème des BO niveau musique. On est de retour pour la dernière partie de Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle de Radio Dio qui vous parle de bouquins sur le 895. Normalement, j'ai qu'une demi-heure pour parler, donc il me reste un petit peu de temps pour parler d'un dernier livre. On va faire ça vite et bien, et surtout bien. Le dernier, il s'appelle « Le dernier roi des loups » de William Grill. Alors, le dernier roi des loups, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de la chasse par Ernest Thompson Seton, ou Seton, Seton, moi je dis, de la chasse de Lobo, un loup chef de meute qui passe son temps à donner du fil à retordre aux humains qui le chassent aux États-Unis. Donc, suite à la colonisation du pays, en fait, les Américains ont quasi systématiquement tué toute la faune qui pouvait les empêcher de cultiver. Les bisons, les loups, etc. C'était une espèce de sport local, pour le dire gentiment, pour pas dire massacre, en fait, mais qui a donné... les plus forts ont gagné leur lettre de noblesse avec ça. Par exemple, Buffalo Bill, il s'appelait comme ça parce qu'il avait, en fait, tué plein de bisons. Donc ils avaient tué plein de bisons, ils avaient tué beaucoup de loups, mais ils n'avaient jamais réussi à tuer Lobo, le roi des loups. La légende, quoi. Genre, le loup, il prend les appâts empoisonnés qu'on lui met partout, il les regroupe, il en trouve plusieurs, il les regroupe au même endroit, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il chie dessus carrément. Et ben, Seton, il a décidé de chasser ce loup que personne n'arrive à attraper, et qui est, qui plus est, très intelligent. Bon, bah là pareil, hein, je vais pas spoiler. Après, justement, un des trucs qui moi m'a fait aller vers ce livre, c'est c'était le début, mais en tout cas ce qui m'a fait vraiment l'aimer beaucoup, c'est justement l'histoire. Donc j'en dis pas plus, à part que ben l'homme vraiment, quelquefois, ça peut vraiment être une grosse salope quand il s'y met. L'auteur de ce livre, il s'appelle William Grill, c'est un auteur britannique dont je sais quasiment rien. À part que son livre, il est vraiment très très bien. Ce livre, ben, comme le géant chagrin, lui, il a plusieurs thématiques. Hein. Il raconte plusieurs choses. Déjà, il raconte plusieurs choses. Et puis, il a des thématiques multiples et variées. D'abord, ben, il y a le parcours d'un homme qui passe de chasseur à protecteur de l'environnement. Parce qu'il a compris que ce qu'il avait fait n'allait pas forcément dans la bonne direction. Là, je parle de l'histoire de Seton, qui était un homme qui a vraiment existé. Et d'ailleurs, c'est même lui qui a créé les scouts dans une optique protection de l'environnement. Très, très, très, très, très loin de la chasse. Donc imaginez, ça parle de cet homme, de ce qu'il a fait, de ce qui a pu l'amener à créer tout ça. Ça raconte l'histoire des USA, tout simplement, qui ont tué tout pour faire de l'agriculture, hein. La folie des hommes quand elle s'y met, quoi. Puis ça peut sensibiliser à la protection de la nature, de la biodiversité, etc. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a aussi, en fait, l'histoire de Lobo. Parce que Lobo, eh ben, son histoire, elle est quand même très, très, très, très, très forte. Excusez-moi, je rigole pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, un commentaire que j'ai pu lire. Et puis donc il y a l'histoire qui est vraiment très très bien, et puis il y a le dessin qui est vraiment très très bien au crayon de couleur, juste donc pour vous donner une idée, hein, en fait c'est pas, il y a pas de ligne claire, pas de trait noir, hein, en fait c'est tout dessiné au crayon de couleur. C'est stylisé avec cet effet spécifique si reconnaissable qui donnerait presque en fait envie de faire pareil avec une boîte de crayon de couleur, justement. Et là il n'y a pas un dessin en trop, pas un dessin qui passe à côté de son propos. Pour le coup, le livre est un peu plus long que les deux livres précédents dont je viens de parler, parce que l'histoire est longue, mais justement, son histoire, elle est rythmée par le dessin. Elle est rythmée dans le texte, en fait. Le texte est extrêmement bien pensé. Et pour vous donner un peu une idée de l'alchimie dessin-texte, en fait, on passe de grandes pages avec un dessin unique à une page avec juste une illustration et un bon pavé, et puis des pages avec énormément de dessins, mais plus en mode vignette, vraiment tout petit, un peu comme un flipbook, on va dire, ou même un peu en mode BD, mais qui, justement, illustre quelque chose qui va se passer dans le temps, une répétition d'action, ou alors qui va décomposer une action, une chasse au long cours, plutôt que de faire 25 pages, ben, en fait, il va y avoir 25 dessins sur une seule page. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très pertinent, très, très joli. Et puis, bon, ce côté vignette contraste avec les grandes doubles pages de la nature ou des villes, etc. Et tout ça, vraiment, ça fait un très beau livre, mais surtout, ça donne de l'émotion, parce que j'ai au final qu'une seule chose à dire, en fait, ce livre, eh ben, il m'a fait pleurer. Bref, voilà, pour finir, je vais dire un truc que je crois que j'ai dit à peu près la même pour les autres, Le dernier roi des loups de William Grill, et ben en fait, et ben c'est vachement bien. Donc, voilà, c'était Qui ou quoi, l'émission qui vous parle de livres sur Radio Dio. Je vais pas faire de recommandations autres que les trois livres dont j'ai parlé ce soir. D'habitude, j'essaye de placer un peu d'autres trucs, des films, des trucs, d'autres œuvres, des auteurs ou quoi. Mais en tout cas, ces trois-là, ben, en fait, ils se tiennent bien. Et vraiment, vraiment, pas besoin d'aller voir autre part. Essayez de lire cela. Donc, c'est-à-dire Le Géant Chagrin de Carole Martinez et David Sala. Aline Ali et la Lune de... Zut, je n'ai pas renoté. De deux auteurs islandais avec deux tirs à la fin. Il y a Sigridur, Vilborg Dagbjarsdottir et Sigridur Bjørnsdottir. Ça, c'est chez Albin Michel. Donc Le Géant Chagrin chez Casterman, Aline Ali et la Lune chez Albin Michel, et puis Le Dernier Roi des Loups de William Grill chez Sarbacane. Donc c'est fini pour ce soir pour les trois petits livres, mes costauds. On se retrouve dans deux semaines pour une autre émission. Normalement, je devrais parler de livres documentaires, là, pour le coup, des livres de musique, si j'arrive ou de cinéma. En fait, j'ai des idées, j'ai des trucs sous le coude. Ça dépendra vraiment du temps que j'aurai pour préparer tout ça. D'ici là, la semaine prochaine, je ne sais pas vraiment s'il y a quelqu'un sur le créneau. Je crois que Radio Gaga n'ont toujours pas recommencé. En tout cas, il y a toujours Ghetto Vibes de 8 à 9. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve dans deux semaines. Bonne soirée.